à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi matin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme promis lors de la dernière émission dans laquelle nous avons parlé de la cinquième partie du péplum en abordant notamment le péplum musculeux qui s'étale sur la période allant de 1958 à 1964, nous allons parler aujourd'hui de trois décennies de purgatoire. Ceci sera donc la sixième partie. Commençons ces trois décennies de purgatoire en parlant de la décadence. La vague des films érotiques dans les années 70 récupère le genre. Les orgies romaines sont le cœur de ces films et Caligula y est souvent mise en scène. Je m'excuse d'avance, mais Messaline, impératrice et putain de Sergio Corbucci sort en 1977 et en 1979, le festival de Cannes découvre avec stupeur les orgies non simulées de Caligula de Tinto Brass qui bénéficient d'un budget important de collaborations prestigieuses et éclectiques. Bob Guccione, Hugh Hefner, Gore Vidal et d'une distribution britannique particulièrement brillante. Malcolm McDowell dans le rôle titre, Helen Mirrell, Peter O'Toole en Tiber, John Gielgud en Nerva, etc. De nombreux péplums érotiques sont produits jusque dans les années 80 et la Rome antique demeure un cadre classique pour les films pornographiques. Intéressons-nous maintenant aux intermittences avec les sujets classiques. Malgré sa disgrâce, le péplum continue de hanter le cinéma. 20 ans après avoir été le Marc-Antoine de Julius Caesar, de David Bradley, Charlton Heston, ex Ben-Hur et Moïse, devient celui de Julius César, de Stuart Burge en 1970. Le film n'aura pas davantage de retentissement que le court-métrage L'assassinat de Jules César de Raoul Arreza avec Anthony Quinn et Irène Papas, tourné 2 ans plus tard. La même année, Carmelo Bennet, acteur chez Pier Paolo Pasolini, filme Salomé, d'après la tragédie Salomé, d'Oscar Wilde, non crédité. Sa pièce, dont l'argument lui fut fourni par un conte de Gustave Flaubert, est d'ailleurs la seule pièce antique qui semble avoir les honneurs des adaptations régulières par Clive Donner en 1973, par un court-métrage de Pedro Almodovar en 1978 et surtout par Claude Dana en 1986. Voyons désormais les intermittences entre respect et transgression. Les prophètes des trois monothéismes font aussi l'objet du film. Le message de Mustapha Akkad en 1976, production britannique, libanaise et libyenne, raconte les débuts de l'islam. La même année, Moïse de Gianfranco De Bozio, tourné pour la télévision, offre à Burt Lancaster l'occasion de rivaliser avec Charlton Heston. Enfin, Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, sorti en 1977 et coécrit par Anthony Burgess, série télévisée commandée par le Vatican, faite de Robert Powell l'incarnation la plus connue du Christ avec Anne Bancroft en Marie-Madeleine. 2 années plus tard, Peter Sykes et John Krisch mettent en scène Jésus ou The Jesus Film en anglais. Projet atypique qui respecte scrupuleusement le texte de l'évangile selon Saint Luc, avec le britannique Brian Deacon dans le rôle principal. Dans le même ordre d'idées, Roberto Rossellini donne en 1975 le Messie qui prend place dans la série de films « éducatifs » entre guillemets, entre Blaise Pascal et la prise du pouvoir par Louis XIV, ou au dépouillement évangélique, méprisé selon le réalisateur par la critique qui était qualifiée de « alibi de la société du spectacle au nom de l'esthétique ». Cependant, ce dépouillement évangélique était apprécié d'un public populaire. Plus iconoclaste, plus destructeur, mais non dénué d'un souci de fidélité à la lettre, entre guillemets, Sébastien, du britannique Derek Jarman, sorti en 1976, donne à voir le martyr du favori de l'empereur Dioclétien et constitue un ovni même dans la production du cinéma homosexuel underground, entièrement délégué en latin et interdit aux moins de 17 ans à sa sortie, 9 ans après la dépénalisation de l'homosexualité en Grande-Bretagne. Notons que le péplum, avec sa charge érotique revendiquée, constitue un terrain privilégié d'expression pour toutes les sexualités. Plus léger, mais tout aussi iconoclaste, le péplum biblique Le Larron de Pasquale Festa Campanile, sorti en 1981, renoue avec l'humour sans sombrer dans la parodie. Dans un autre registre, Le Choc des Titans de Desmond Davis, la même année, avec Harry Hamlin en percée, entouré par sa compagne Ursula Andress dans le rôle de Aphrodite, les Britanniques Laurence Olivier en Zeus Idéal, Maggie Smith en Tétis et Claire Bloom en Era Parfaite, selon la recette américaine, et les effets spéciaux du génial Harry Harryhausen, malgré son succès, ne connaîtra pas plus de descendance jusqu'à une date récente. Intéressons-nous désormais au succès et au désastre. En 1982, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, de et avec Jean-Yann, et avec également Michel Serrault en Jules César efféminé, et Coluche en Ben-Hur Marcel, rencontre du délabrement du genre pour le grand public. En 1984, La courageuse tentative de Bruce Beresford et Richard Gere de ressusciter le péplum hollywoodien s'achève en désastre critique et financier, et l'échec de Le Roi David condamne encore le genre à 15 années d'exil et de confidentialité, du moins sur grand écran. En 1986, Warrior Queen de Chuck Vincent, inédit en France, met en scène des esclaves à Pompéi. Passons maintenant à la censure et à l'esthétique. Claude Dana tourne dans les studios de Paolis, à Rome, une nouvelle version de Salomé en 1986, librement inspirée de la pièce d'Oscar Wilde, produite par Menahem Golan et Yoram Globus, bénéficiant d'un généreux budget de la photographie de Pasqualino De Santis avec Côte de Maille, provenant du film Alexandre Nevsky de Sergei Eisenstein et interprètes principaux issus de la scène shakespearienne britannique, exception faite pour Thomas Millian, une armée de figurants et des décors fastueux. Deux versions en réalité, puisque l'une était destinée à la télévision américaine. Les propos du cinéaste montrent une fois de plus le mépris dans lequel est maintenu le péplum traditionnel. Thomas Millian a dit, je cite, « Je n'avais qu'une crainte, tomber dans le péplum. Affublé Hérode d'une petite jupette me terrifiait. Alors, on a oublié Rome, on a oublié la Judée, on a travaillé comme si on réalisait un film de science-fiction qui se situerait dans le passé. » Fin de citation. Plus loin, il a dit, je cite à nouveau, « Si ce film devait ressembler à quelque chose, ce serait à un opéra. » Fin de citation. Mais où est passé ce film ? En 1996, sort tout aussi discrètement Nefertiti, la fille du soleil, de Guy Gilles, que celui-ci a d'ailleurs eu du mal à financer, avec à l'affiche Ben Gazzara en Amenophis III et Antonella Lualdi en Reine Tilly, selon la recette italienne. Martin Scorsese adapte le livre polémique de Nikos Kazantzakis, La dernière tentation du Christ en 1988, et le film avec David Bowie en Ponce Pilate suscite des menaces lors de sa sortie en salle. En 1994, L'émigré, fable réaliste inspirée par l'histoire de Joseph et ses frères, interdite par la censure islamiste, constitue l'unique incursion de l'égyptien Youssef Chahine dans l'Antiquité, 3 ans avant Le Destin, qui se déroule au Moyen-Âge, également interdit. Passons maintenant au milieu de la télévision en commençant par les années 70. La monumentale série télévisée européenne L'Odyssée, réalisée par Franco Rossi et Mario Bava pour l'épisode Polyphème, est produite par Dino De Laurentiis, qui vit les choses en grand avec un budget de 8 millions de francs, 2 ans de préparation et 8 mois de tournage, n'a pas non plus lancé un vaste mouvement sur le petit écran. L'Italie, la France, l'Allemagne et la Yougoslavie s'associèrent en 1968 pour cette série remarquable. L'Albanais Bekim Femiu tenait le rôle de Ulysse, surclassant Kirk Douglas. La grecque Irène Papas, habituée au genre, reprenait le rôle de Pénélope. Les Français Renaud Verlet dans le rôle de Télémaque et Juliette Méniel dans le rôle de Circé et l'Américaine Barbara Bach en Nausicaa de rêve complétaient ce casting 3 étoiles. Il faut attendre 1976 pour que le Britannique Herbert Wise, qui n'a rien à voir avec celui qui avait déjà réalisé Seul contre Rome en 1962, de son vrai nom Luciano Ricci, avec Lang Jeffries dans le rôle du gladiateur Breno et Rosanna Podesta, donne un autre chef-d'œuvre du péplum à la télévision. Moi, Claude Empereur, d'après le roman de Robert Graves, Moi, Claude, adapte de façon théâtrale les intrigues familiales de la dynastie julio-claudienne. Autour de Derek Jacobi dans le rôle-titre, gravitent notamment Sian Phillips en vénéneuse impératrice Livy et John Hurt en Caligula. L'année suivante, en France, le roman de Maurice Genevoix, Vaincre à l'Olympie, est adapté sur le petit écran avec des habitués du genre, Jean Marais et Georges Marchal, jeunes premiers rivaux des années plus tôt. Voyons maintenant les années 80 qui bataillaient entre politique et glamour. Encore quelques années, et Masada de Boris Sagal marque l'année 80. Peter O'Toole forme le couple vedette avec la magnifique Barbara Carrera et Anthony Quayle apporte une caution supplémentaire comme britannique et shakespearien. Comme souvent dans le péplum, roman et film, les implications politiques du sujet sautent aux yeux et la distance temporelle facilite les transpositions. La même année, James Ellen Jones réalise en Tunisie le téléfilm Le jour où le Christ est mort avec Chris Sarandon dans le rôle-titre, fidèle au contexte historique et traité à la manière d'une tragédie classique, l'action se déroulant en 24 heures. En 1984, Peter Hunt remporte un beau succès grâce à l'inusable roman de Bulwer Lytton avec la série télévisée Les Derniers Jours de Pompéi, tournée à Pompéi, et dans les studios de Pinewood à Londres pour ABC. Leslie Ann Down et le musclé Duncan Reger sont les révélations hot de la saison. Olivia Hussey, ex-Juliette chez Franco Zeffirelli, Laurence Olivier apportent leur sérieux. L'Italien Franco Nero fournit l'exotisme en composant un Égyptien fourbe. Cette télésuite est sans conteste une des meilleures adaptations du roman. L'année suivante, une autre série à gros budget, tournée pour NBC, semble annoncer une nouvelle vague de péplum. Anno Domini, à laquelle collabore le grand écrivain Anthony Burgess, qui concerne également les débuts du christianisme, offre à Michael Wilding Jr., fils de Michael Wilding et de Elizabeth Taylor, le rôle de sa vie. Jésus. Les Britanniques Anthony Andrews, un héron d'anthologie, et James Mason, les Américaines Ava Gardner dans le rôle d'Agrippine et Jennifer O'Neill dans le rôle de Messaline, l'Espagnol Fernando Rey en impeccable Sénèque, donnent une idée de cette autre réussite télévisée. En France, Gérard Braque scénarise et dialogue la fable Esclave et Pharaon en 1985, tournée en désert naturel, dont l'intrigue se déroule durant les invasions Hyksos. Hélas, la vague annoncée vient mourir et le péplum survit à la télévision, surtout à travers la fantaisie et des héros et héroïnes surhumains, Hercule ou encore Xena. Passons maintenant au sujet religieux dans les années 90. 1994 marque le début d'une série de téléfilms mettant en scène l'Ancien Testament. Abraham, de Joseph Sargent avec Richard Harris, Barbara Hershey en Sarah et Maximilian Schell en Pharaon. Jacob, de Peter Hall avec Matthew Modine, Lara Flynn Boyle en Rachel et l'incontournable Irène Papas en Rebecca. Ces réalisations sont suivies l'année d'après par deux téléfilms réalisés par Roger Young, la Bible Moïse et la Bible Joseph, avec Ben Kingsley en Moïse, Christopher Lee en Ramsès, ainsi que Monica Bellucci en Reine d'Égypte, face à Martin Landau en Jacob. En 1996, Nicolas Roeg signe une nouvelle adaptation de Samson et Dalila avec Eric Thal et Elizabeth Hurley dans les rôles-titres, Dennis Hopper et Diana Rigg en complément. En 1999, L'Arche de Noé de John Irvine offre à John Voight un rôle monumental et à James Coburn une participation originale. La même année, Frank Rodham livre une énième Cléopâtre où le James Bond shakespearien Timothy Dalton prête ses traits à Jules César et Billy Zane les siens au séducteur Marc Antoine et Roger Young encore signe Jésus avec Jeremy Sisto dans le rôle principal, Armin Müller-Stahl en Joseph, Jacqueline Bisset en Marie et Gary Oldman en Ponce Pilate. En France, Serge Moati choisit Arno Giovanninetti pour incarner le Christ dans son Jésus, adapté par Jacques Duquesne. Exception dans ce concert de louanges religieuses matinées d'humour, l'Odyssée par le grand Andrei Kondylovski en 1997 bénéficie d'un budget de 40 millions de dollars et d'une distribution 4 étoiles et plus. Dans cette adaptation de Andrei Kondylovski, nous retrouvons à l'affiche Armand Assant, Greta Scacchi en Pénélope, Isabella Rossellini en Athéna, Irène Papas, Géraldine Chaplin, fille de Charlie Chaplin, Christopher Lee en Tiresias, Vanessa Williams en Calypso et Nicolas Clay. Cependant, cette adaptation ne retrouve pas la poésie de Franco Rossi. Même l'animation semble annoncer la résurrection du péplum lorsque sortent Hercule des studios Disney en 1997 et Le Prince d'Égypte des studios DreamWorks en 1998. C'est ainsi que se termine cette émission sur la sixième partie sur le péplum. Dans la septième partie que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons de la renaissance du genre dans les années 2000. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radioguimozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Et comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur notre page Facebook Radio Guimozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore venir nous rendre visite à la radio, située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi je vous laisse ici, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.